Quatrième partie, chapitre 2, cinquième section. Le nom et les parrains. Pourquoi impose-t-on le nom d'un saint à celui qu'on baptise? On impose le nom d'un saint à celui qu'on baptise pour le mettre sous la protection spéciale d'un patron céleste et pour l'animer à imiter ses exemples. Qu'est-ce que les parrains et les marraines du baptême? Les parrains et les marraines du baptême sont les personnes qui, par une disposition de l'Église, tiennent les enfants sur les fonts baptismaux, répondent pour eux et se rendent garants devant Dieu de leur éducation chrétienne, spécialement si les parents y manquaient. Sommes-nous obligés de tenir les promesses et renonciations que nos parrains ont faites pour nous? Nous sommes certainement obligés de tenir les promesses et renonciations que nos parrains ont faites pour nous parce que Dieu ne nous a reçus dans sa grâce qu'à cette condition. Quelle personne doit-on choisir pour parrain et marraine? On doit choisir pour parrain et marraine des personnes catholiques, de bonnes mœurs et qui obéissent aux lois de l'Église. Quelles sont les obligations des parrains et des marraines? Les parrains et les marraines sont obligés d'avoir soin que leur fils spirituel soit instruit des vérités de la foi et vive en bon chrétien et de les édifier par leur bon exemple. Quel lien contractent les parrains dans le baptême? Les parrains contractent une parenté spirituelle avec le baptisé et avec ses parents, d'où résulte un empêchement de mariage avec eux.